Avant de vous lire dans son intégralité la dixième promenade qui clôt les rêveries du promeneur solitaire de Rousseau, un petit rappel. Après s'être enfui de Genève, à 16 ans, Rousseau fut recueilli à Annecy par la pieuse Madame de Voiran, qui l'envoya à Turin pour y recevoir le baptême catholique. À son retour, Rousseau vécut avec elle, qui n'allait pas tarder à appeler maman, une liaison idyllique aux Charmettes, maison de campagne aux portes de Chambéry. Mais cette liaison idyllique fut interrompue à l'arrivée d'un jeune rival. Dixième promenade. Aujourd'hui, jour de Pâques fleurie, Rameau, dans le dimanche avant Pâques, il y a précisément 50 ans de ma première connaissance avec Madame de Voiran. Elle avait 28 ans alors, étant née avec le siècle. Je n'en avais pas encore 17, et mon tempérament naissant, mais que j'ignorais encore, donnait une nouvelle chaleur à un cœur naturellement plein de vie. S'il n'était pas étonnant qu'elle conçût de la bienveillance pour un jeune homme vif, mais doux et modeste, d'une figure assez agréable, il était encore moins qu'une femme charmante, pleine d'esprit et de grâce, m'inspira, avec la reconnaissance, des sentiments plus tendres que je n'en distinguais pas. Mais ce qui est moins ordinaire est que ce premier moment décida de moi pour toute ma vie et produisit, par un enchaînement inévitable, le destin du reste de mes jours. Mon âme, dont mes organes n'avaient pas développé les plus précieuses facultés, n'avait encore aucune forme déterminée. Elle attendait, dans une sorte d'impatience, le moment qui devait la lui donner. Et ce moment, accéléré par cette rencontre, ne vint pourtant pas si tôt. Et, dans la simplicité de mœurs que l'éducation m'avait donnée, je vis longtemps prolonger pour moi cet état délicieux, mais rapide, où l'amour et l'innocence habitent le même cœur. Elle m'avait éloigné. Tout me rappelait à elle. Il y fallut revenir. Ce retour fixa ma destinée, et longtemps encore, avant de la posséder, je ne vivais plus qu'en elle et pour elle. Ah, si j'avais suffi à son cœur, comme elle suffisait au mien. Quels paisibles et délicieux jours nous eussions coulés ensemble. Nous en avons passé de tels, mais qu'ils ont été courts et rapides, et quel destin les a suivis. Il n'y a pas de jour où je ne me rappelle avec joie et attendrissement cet unique et court temps de ma vie où je fus moi pleinement, sans mélange et sans obstacle, et où je puis véritablement dire avoir vécu. Je puis dire à peu près comme ce préfet du prétoire qui, disgracié sous Vespasien, s'en alla finir paisiblement ses jours à la campagne. J'ai passé 70 ans sur la terre et j'en ai vécu 7. Sans ce court, mais précieux espace, je serais resté peut-être incertain sur moi. Car, tout le reste de ma vie, faible et sans résistance, j'étais tellement agité, ballotté, tiraillé par les passions d'autrui, que, presque passif, dans une vie aussi orageuse, j'aurais peine à démêler ce qu'il y a du mien dans ma propre conduite, tant la dure nécessité n'a cessé de s'appesantir sur moi. Mais, durant ce petit nombre d'années, aimé d'une femme pleine de complaisance et de douceur, je fis ce que je voulais faire, je fus ce que je voulais être, et par l'emploi que je fis de mes loisirs, aidé de ses leçons et de son exemple, je sus donner à mon âme, encore simple et neuve, la forme qui lui convenait davantage et qu'elle a gardée toujours. Le goût de la solitude et de la contemplation naquit dans mon cœur avec les sentiments expansifs et tendres faits pour être son aliment. Le tumulte et le bruit les resserrent et les étouffent. Le calme et la paix les raniment et les exaltent. J'ai besoin de me recueillir pour aimer. J'engageai maman à vivre à la campagne. Une maison isolée, au penchant d'un vallon, fut notre asile. Et c'est là que, dans l'espace de 4 ou 5 ans, j'ai joui d'un siècle de vie et d'un bonheur pur et plein qui couvre de son charme tout ce que mon sort présent a d'affreux. J'avais besoin d'une amie selon mon cœur ? Je la possédais. J'avais désiré la campagne ? Je l'avais obtenue. Je ne pouvais souffrir l'assujettissement. J'étais parfaitement libre et mieux que libre, car, assujetti par mes seuls attachements, je ne faisais que ce que je voulais faire. Tout mon temps était rempli par des soins affectueux ou par des occupations champêtres. Je ne désirais rien que la continuation d'un état si doux. Ma seule peine était la crainte qu'il ne durât pas longtemps et cette crainte, née de la gêne de notre situation, n'était pas sans fondement. Dès lors, je songeais à me donner en même temps des diversions sur cette inquiétude et des ressources pour en prévenir l'effet. Je pensais qu'une provision de talent était la plus sûre ressource contre la misère, et je résolus d'employer mes loisirs à me mettre en état, s'il était possible, de rendre un jour à la meilleure des femmes l'assistance que j'en avais reçue.